4. Quand Henriette fut couchée, Aline prit une feuille de papier. C'était un papier bleuâtre, comme on en voit dans les vitrines des villages, parmi les pipes, les vieux savons et les épingles à cheveux. En haut, dans un coin, il y avait deux mains roses enlacées avec des belles manchettes de dentelle et une couronne de myosotis autour. Et on lisait dessous « Ne m'oubliez pas ». On se sert de ce papier entre amis pour les anniversaires et entre amoureux pour les billets doux. On se le donne aussi en cadeau. On en achète deux feuilles qu'on soigne et qui jaunissent sur les bords. Aline trempa sa plume dans l'encrier et écrivit au milieu de la page « Mon cher Julien ». Mais elle n'alla pas plus loin d'abord, parce qu'elle avait besoin de réfléchir. On a beau aimer tant qu'on peut, on ne sait pas toujours comment dire qu'on aime. Il est plus difficile encore d'écrire. On dirait que les mots s'accrochent à la plume et ne veulent pas descendre. Pendant ce temps, la bougie brûlait. Parfois, les moustiques se jetaient dans la flamme, alors on entendait un petit pétillement et il tombait dans la cire fondue. Il y avait un courant d'air et de grandes ombres bougeaient sur le mur. Tout à coup, Aline reprit sa plume. Elle ne s'arrêta plus, les idées lui étant venues. Comme elle avait perdu l'habitude d'écrire depuis qu'elle n'allait plus à l'école, et comme ses doigts s'étaient raidis, elle était obligée de s'appliquer. C'est pourquoi elle tirait la langue. La plume aussi était rouillée. Pourtant, toutes les lettres étaient bien arrondies, et les majuscules avaient de belles boucles, des pleins et des déliés, comme sur les modèles d'écriture. Il arrivait seulement que les lignes remontaient du côté droit, car il est difficile d'écrire sur du papier tout blanc. Et les mots, quelquefois, à la fin des phrases, étaient un petit peu tremblés. Aline écrivit pendant longtemps. Ensuite elle signa. C'était une longue lettre qui prenait presque deux pages. Il était dit dedans. « Mon cher Julien, j'ai tellement peur que tu sois fâché que je veux te dire que je ne suis pas fâché. Seulement c'est maman qui ne veut pas que j'aille, parce qu'elle m'a vu, et j'aurais bien voulu retourner. Mais je n'ai pas pu. Seulement, je ne peux plus. Si tu veux, nous nous reverrons comme avant, mais plus tard. J'ai pensé, si tu veux m'attendre demain soir, vers les 10 heures, vers la maison. Elle dort. Et si tu ne peux pas, mets une lettre sous la haie, là où il y a le prunier. Mais tu pourras bien, parce que je t'aime. Et je te dis adieu, à demain, ton ami qui t'aime de tout son cœur, Aline. » Lorsqu'elle relut sa lettre, elle ne put pas croire que c'était elle qui l'avait écrite. Il lui semblait que quelqu'un la lui avait dictée. Elle colla l'enveloppe et mit l'adresse. « Monsieur Julien Damon. » Comme l'écriture était grosse et l'enveloppe étroite, le dernier mot était partagé en deux. La bougie était presque toute brûlée. Elle pensa à sa mère qui dormait dans la chambre à côté. Qu'arriverait-il si sa mère savait? Mais elle était bien résolue. Elle ouvrit la fenêtre et se glissa dehors. Il était 11 heures. Le vent soufflait par intervalles sur la route déserte. Le clocher pointu sortait d'entre les toits. Il y avait la nuit qui fait peur avec son silence et ses formes noires qui remuent. Mais Aline avançait quand même, longeant les murs. Sur la place, l'auberge était encore éclairée. Les fenêtres découpaient deux carrés rouges de pavé où on voyait l'angle du perron au degré creusé et une mangeoire. Tout le reste était dans l'ombre. Sous la grosse lampe en cuivre, de la salle à boire, la servante allait et venait, rangeant les escabeaux sur les tables, afin que tout fût prêt pour balayer le lendemain matin. Aline s'arrêta un instant, puis la lettre, en tombant dans la boîte, fit un grand bruit. C'était fini. Alors son courage s'en alla, d'un seul coup. Elle rentra à la hâte. Les grillons criaient sans s'arrêter dans la campagne. Parfois, la voix des crapauds, comme du coton, arrivait de l'étang. Un chat glissa près d'elle, et elle chancelait sur ses jambes molles. La lumière pourtant la rassura. Elle craignait surtout que sa mère ne l'eût entendue, mais la maison était tranquille. elle dormit mal. Ses rêves se mêlaient à la réalité, et elle se disait, sortant de ses songes, « C'est peut-être pour demain soir. » Et puis, elle pensait, « Non, c'est déjà pour ce soir, car minuit était passé. » Et elle frissonnait. Elle avait chaud à la tête et froid aux pieds. Enfin, l'aube s'agita devant les croisées comme un lambeau de toile grise. Elle entendit sa mère se lever et elle se leva, elle aussi. Henriette lui dit, « Comme tu es matineuse !» Elle répondit, « Je n'avais pas sommeil. » Elle sortit dans le jardin. Les nuages se défaisaient un à un. De petits morceaux de ciel bleu se montraient dans les déchirures. Les nids étaient vides. Les oiseaux ne chantaient plus. Et des gouttelettes, restées au creux des feuilles, brillaient comme des miroirs. Aline était comme quelqu'un qui va partir pour un grand voyage. Toutes sortes d'attaches s'étaient brisées dans son cœur. Il y avait dedans le regret du passé et la crainte de l'inconnu. Mais il y avait aussi de grands désirs, comme des vagues qui la portaient vers Julien. Elle se mit à récurer la cuisine et elle frottait le carreau à genoux, ayant noué autour de ses reins son tablier de serpillière. Et elle frottait de toutes ses forces avec une brosse et du savon pour faire passer le temps, pendant que l'eau faisait de l'écume et que ses mains devenaient violettes à force de tordre le torchon. Ensuite, elle nettoya le râtelier aux assiettes luisantes, ternies au milieu par l'usure. Midi vint. À l'heure du café, une voisine entra empruntée du cerfeuil pour sa soupe du soir. Ce sont des services qu'on se rend entre ménages, et elle s'assit pour faire un bout de Cosette. « Voilà un air de bise. »« Oui, c'est pour le beau. Peut-être bien. » Aline n'entendait rien de ce qu'on disait. Il lui semblait qu'elle avait les oreilles bouchées avec de la cire. Mais comme le temps dure... Et elle pensait, « Est-ce qu'on voit comment je suis par-dedans ?» Car elle croyait qu'on devait voir dans son cœur et lire dans ses yeux. Déjà la journée se penchait vers le soir. Depuis longtemps la voisine s'en était allée, portant son cerfeuil sous le bras dans une feuille de papier. Et Aline commença d'avoir bien peur. Elle avait peur d'avoir osé faire ce qu'elle avait fait. Tout à coup elle se dit « Comme le temps va vite !» Et elle venait de se dire « Comme le temps va lentement !» Mais l'amour est ainsi. Elle se disait encore, « Voilà le soleil qui se couche, il faudra bientôt que j'aille. Oh non !» Et aussitôt son cœur lui répondait, « Quel bonheur !» La nuit venait. Elle alla voir sous la haie et n'y trouva rien. Elle pensa, « Il va venir, il va venir !» Henriette finissait de mettre en ordre la cuisine. Le soir ramène la fatigue. Elle avait sommeil. Elle dit à Aline, « Tu vois, quand tu veux t'y mettre, on a bien avancé aujourd'hui. » Et Aline répondit, « Oh oui !» 5. Le facteur qui fait la tournée a des pantalons bleu large, une casquette à liseré rouge et une blouse grise. Il range ses lettres dans son sac de cuir. Ensuite, il va dans les maisons, puis il sort du village. On le voit dans la campagne. Sa blouse grise gonfle au vent. Et puis il devient tout petit. Plus tard, il s'en revient, jette son sac sur un banc et dit « Ça y est !» Et à chaque lettre qu'il tend, c'est des choses qui arrivent. Le facteur dit à Julien « C'est pour vous aujourd'hui, ça ne vient pas de bien loin. » Comme Julien ne recevait pas beaucoup de lettres, il eut de l'étonnement et il pensa « Ça vient du village. C'est une écriture de femme pour sûr. Qui est-ce que ça peut bien être ?» Il entra dans la grange pour lire. « Tonnerre, » dit-il, « Aline !» Alors il lut la lettre une seconde fois pour être bien sûr. Il riait tout seul en se tapant sur la cuisse. Il se disait, « Moi qui croyais que c'était fini, ça m'ennuyait bien. Et puis voilà, rien du tout. Faut-il qu'elle m'aime ?» Ensuite, il se mit à siffler, tellement il était heureux. La grange était haute comme une église. On voyait le foin, la paille, et en montant dans l'ombre, le dessous des tuiles et les lattes du toit qui descendaient en pentes égales, jusqu'aux fêtes des murs où le jour passait. On entendait, dans l'écurie, le ruminement des vaches et le bruit des chaînes. le foin qui fermentait sentait acide, et par la porte, le jour blanc brillait comme une plaque d'argent. Julien enfonça ses mains dans ses poches. Il se sentait solide sur ses talons. On disait dans le village, pour un beau parti, c'est un beau parti. Sa mère aimait à répéter, on ne voit pas beaucoup de garçons comme lui. Et tout au fond de son idée, il trouvait que sa mère avait raison. Le père d'Amon était syndic et riche. Il avait de la chance. C'est pourquoi son bien allait s'arrondissant tout seul, année après année, comme une courge qui mûrit. C'est de ces gens qui sont partis sur le bon pied. Les héritages viennent, et on n'a rien qu'un fils par-dessus le marché. Le monde est le monde. Les uns ont tout, les autres n'ont rien. Il avait une grande maison bâtie en bonne pierre, avec des murs peints en jaune, et un large avant-toit et de grosses cheminées. Les chambres étaient à un bout, l'écurie à l'autre bout, et le fumier devant, gros et carré et bien lissé sur les côtés, comme une autre maison plus basse. Les hirondelles nichaient sous les poutres de la remise, elles partaient chaque automne et revenaient chaque printemps. Les contrevents étaient verts, et parmi les tuiles noires, il y avait deux grandes lettres, L, D, faites de tuiles neuves d'un rouge vif qu'on distinguait de très loin. Julien dîna de bon appétit. Puis il attela les chevaux au char à échelle pour aller chercher le froment. Le champ moissonné, au penchant de la colline, ressemblait à un drap de toile jaune déroulé dans les prés gris. Les gerbes étaient couchées tout le long, l'une à côté de l'autre, et il n'y avait qu'un seul arbre, parce que les troncs gênent pour labourer. Alors les ouvriers qui s'étaient assis à l'ombre empoignèrent leurs fourches. Ils les enfonçaient d'un seul coup dans les gerbes bien liées, qu'ils chargeaient d'un mouvement sinueux des reins, les bras levés. Et Julien, sur le char, les disposait de manière que le poids fût partout égal. Il songeait à Aline, il se disait, « Elle a les yeux bien jolis, on ne sait pas si elle les a bleus ou noirs. Ils sont bleus, mais noirs aussi, suivant comment elle est tournée. On dirait des yeux de poupée. Et puis, elle a de bien jolis cheveux. Je suis rudement content de la revoir. C'est sa mère qui n'est pas commode. C'est une vieille femme. Elle s'imagine des choses. À 10 heures qu'elle a dit. » Et il tâtait la lettre dans sa poche. Les temps bourdonnaient autour de l'attelage. Il y en avait qui étaient gros comme des guêpes et velus qui s'abattaient soudain, et d'autres, petits et minces, qui tournaient longtemps avant de se poser. Il faisait comme une buée noire, et les chevaux, dedans, avec leurs ventres saignants et leurs queues battantes, clignaient doucement leurs grands yeux bleuâtres. Toutefois, les gerbes furent vite chargées. Julien prit ses bêtes par la bride et cria « Hu, coco, hu, bichette !» Les traits se tendirent, et les roues enfoncées dans le sol se dégagèrent lentement. C'était la fin des cerises qui pendaient sèches aux hautes branches, où les oiseaux viennent piquer autour du noyau qui blanchit. Le chemin descendait, les roues sautaient dans les ornières et les épis, dépassant la masse oscillante des gerbes, tintaient à chaque choc comme du métal. Mais Julien faisait claquer son fouet. Les filles qui moissonnaient au bord du chemin relevaient la tête pour le voir passer. Quand la pente devenait raide, il serrait la mécanique qui grinçait. Les roues enrayées soulevaient une grosse poussière pleine de l'odeur du froment. Et il pensait encore, « À 10 heures, il y a bien ceux qui sortent de l'auberge, mais aujourd'hui ils seront fatigués. Un jour de moisson, ça coupe les bras. On sera seul, alors tant mieux. Elle fera tout ce que je voudrai. » À mesure que le soleil baissait, les ombres des arbres s'allongeaient. Puis elles pâlirent et se confondirent dans le crépuscule qui montait du fond des vallons. Des hommes et des femmes, le râteau sur l'épaule, s'en venaient le long de la route rose et disparaissaient derrière les arbres, reparaissaient plus loin sur le ciel doré. On entendit un harmonica qui jouait, puis la nuit, qui est paisible, prit tous les bruits en passant et les emporta. Julien sortit de chez lui. Il cueillit une gaule dans un buisson et il la pliait dans ses doigts. L'air était frais et léger, comme une eau fine. Il avait toutes sortes de choses embrouillées dans sa tête qui faisaient ensemble du plaisir. Il avait aussi besoin de marcher. Le village s'endormait, comme tous les soirs. C'est le moment où les étoiles s'allument. Elles brillent au ciel et les lumières sur la terre. Ensuite, les lumières s'éteignent et le repos descend sur l'homme. Les grands lits ont des draps froids, le maître se couche auprès de sa femme et les ouvriers sur le foin. Et puis, l'étendue est seule avec les étoiles. Julien, étant arrivé près de chez Henriette, s'arrêta de l'autre côté de la route, sous un saule qui est là, et attendit. La vieille Henriette n'était pas couchée. Il y avait deux lumières. Julien se dit, elle doit m'attendre, mais la vieille est longue, ce n'est pas encore le moment. Il était bien sûr qu'Aline viendrait. Pourtant, il trouvait le temps long. Il se mit à compter jusqu'à 100, et toutes les fois qu'il était à 100, il se disait, encore une minute, puis il dit, voilà 10 heures. L'horloge sonnait, rauque, comme un cheval qui tousse, et on entendait le battant retomber. Oui, voilà 10 heures. La vieille ne veut pas s'endormir. Heureusement qu'on entend les heures. Il fait bien trop nuit pour voir à sa montre. Et puis Aline n'a point de montre. Il faudra que je lui en donne une, si ce n'est pas trop cher. Une en acier, c'est plus solide. Et il recommençait à compter. 1, 2, 3, 10, 20. Seulement la tête lui tournait dans tous ces chiffres. Il pensa, qu'est-ce qu'il y a? À 10 heures, pour des femmes, on est couché, bien couché. Ce serait le moment de dormir. Est-ce embêtant? Ses jambes devenaient raides comme des bâtons plantés dans la terre. Elle s'est peut-être moquée de moi, pensait-il. Elle le paiera. Mais tout à coup, les lumières s'éteignirent. Julien s'avança au milieu de la route. Il se disait, est-ce qu'elle me voit à présent? Il y eut un petit bruit, comme un frôlement. Une forme grise se montra à la fenêtre. C'était elle. Il la vit venir. Elle était sans chapeau, et son visage était comme un rond pâle. « Est-ce que c'est toi ? » dit-il. Elle répondit, « Oui, il faut faire doucement. »« Ah ! » reprit-il, « tu es tout de même une toute bonne. » Elle dit, « Je t'aime bien. » Elle était contre lui. Il sentait sa chaleur. Alors il la prit dans ses bras et la serra sur son ventre. Il lui semblait qu'elle ne pourrait jamais la serrer assez fort. Il serrait si fort qu'Aline avait de la peine à respirer, et lui aussi. Ils crurent qu'ils allaient mourir. La nuit avait attiré les nuages. Ils couvraient de nouveau le ciel. Ils étaient noirs dans l'obscurité. On voyait par les trous de petites étoiles qui tremblaient. Le vent passa dans les branches. « Où est-ce qu'on va ? » dit Aline. « C'est qu'on ne peut pas rester ici. »« Oh non, allons dans le bois. » « Il fait trop nuit. Alors, mène-moi. » Il répondit, « Oui, laisse-moi faire. » Il l'emmena dans les prés par un petit chemin qui se perdait par places dans l'herbe. Il était bordé de noyers. L'ombre s'écartait à leur passage et se refermait derrière eux comme un rideau qui retombe. Aline s'inclinait vers Julien. Il éprouvait ce poids. Il sentait le sang rouler dans ses veines. Il avait la bouche sèche et de l'eau sous la langue. Ils allèrent ainsi un petit moment, puis ils s'assirent au revers du talus. L'herbe y était épaisse. « On serait bien là pour dormir, » dit Aline. Julien répondit, « N'est-ce pas que oui ? Tu ne sais pas comment j'ai été toute la journée. Je me demandais, est-ce qu'il viendra ? Ce soir, j'ai été voir s'il n'y avait une lettre. Il n'y avait point de lettre. Alors j'ai pensé que tu viendrais et j'ai été guérie. « Parce que j'étais malade de ne plus t'avoir. » Julien dit, « Embrasse-moi. » Et elle l'embrassa. Elle reprit, « On est tellement bien ici, on est comme chez nous. » Ensuite, elle s'abandonna, cédant peu à peu comme un jonc qui plie, et ils se trouvèrent étendus côte à côte, tellement près que leurs visages se touchaient. Elle vit encore au-dessus d'elle un coin du ciel noir. Puis, elle ne vit plus rien. Le vent avait éteint les dernières étoiles et portait les nuages d'un seul mouvement vers le nord. Bientôt, il commença de pleuvoir. Les gouttes tombèrent, d'abord larges et espacées, on aurait pu les compter, puis elles devinrent fines et drues. Et l'air passa comme une grosse boule molle. On entendit une grenouille sauter dans le ruisseau. Alors Aline soupira, et Julien répétait « Tu es une bonne, une toute bonne !» Il ajouta « C'est que tu sais, il pleut » « Est-ce vrai ? » dit-elle. « Ah mon Dieu, moi qui suis toute mouillée !» Et il dit « Embrasse-moi quand même encore une fois !» 6. Comme elle se peignait devant son miroir, Aline vit la joie cachée dans le fond de son cœur se lever près d'elle et l'appeler par son nom. Elle sourit. Ses cheveux lissés éclairaient son front et elle était lavée d'eau fraîche. La lumière se tenait dans la chambre comme une femme en robe blanche. Ce fut le jour de la plénitude, mais le jour est court. Elle faillit d'abord être découverte, le vent ayant fait battre ses croisées. « Qu'avais-tu besoin ? » dit Henriette, « de laisser ta fenêtre ouverte cette nuit ?» Elle ne sut pas que répondre. Elle dit « C'est que je dormais !» Et elle fut bien grondée. Mais elle garda son secret. Il aurait mieux valu pour elle qu'il n'en fût pas ainsi. Seulement, il y a un arrangement des choses qui est fait depuis toujours. Nous entrons par les portes qui s'ouvrent devant nous, et les autres restent fermées. Le fourneau fumait. La fumée sentait la vanille. Le feu tirait mal. Il faisait toujours du vent. Aline s'émerveilla des choses, car tout avait changé. C'était bien sa mère, c'était bien la table et les chaises, le foyer noir et les fagots auprès, mais ce n'était plus rien de tout cela. Ou bien c'était tout cela avec autre chose encore. Elle non plus n'était pas comme avant. Elle ne serait jamais plus comme avant. Cependant la vie l'avait reprise. Elle voyait qu'il faut être prudente et qu'elle ne l'avait pas été. Elle examina dans sa chambre. Quand elle s'asseyait sur le rebord de la fenêtre, elle n'avait qu'un tout petit saut à faire. On pouvait sortir sans faire de bruit. Elle soufflerait sa lampe comme elle avait fait. Mais ensuite, elle écouterait à la cloison. On reconnaît quand les gens dorment à leur façon de respirer. Puis, elle attacherait les croisées avec des ficelles. Il y avait des souliers à nettoyer en rentrant et ses jupes à brosser. Enfin, se coucher sans lumière. Elle pensait, il y a 4 ou 5 choses. Elle ne rougissait plus de mentir. Quand le soir fut venu, elle fit comme elle avait pensé. Elle avait même troussé ses jupes. Julien avait bien dormi et bien mangé. Il rit, disant, « On te voit les mollets, tu as du bonheur qu'il fasse nuit. C'est que tu sais, j'ai été grondée. » Elle raconta tout ce qui s'était passé pendant la journée, vidant son cœur comme on vide un sac. Parce qu'il lui semblait que tout ce qui était à l'un était à l'autre, et qu'il n'avait plus qu'une vie. « Et puis, disait-elle, pendant que je dînais, j'ai pensé que tu dînais aussi. Pendant que je mangeais mon pain, j'ai pensé que toi aussi, tu mangeais ton pain, et j'ai eu bien du plaisir. Est-ce que tu penses à moi quand je pense à toi ?» Il répondit, « Bien sûr. » Chaque soir, ils se retrouvèrent. Ils suivaient le sentier jusqu'à l'endroit qu'ils s'étaient choisi. C'était un endroit solitaire. Une haie bordait le talus du côté du chemin. De l'autre côté, les champs se relevaient. Au fond, coulait une rigole. Un gros poirier les enveloppait de ses branches retombantes, et l'herbe était molle comme un lit. Les étoiles les regardaient. Il y en a trop, on ne peut pas les compter. Il y en a qui sont jaunes, d'autres vertes et d'autres rouges. Les unes tremblent comme des chandelles dans le vent. Les autres sont fixes comme des clous plantés au ciel. Et il y en avait comme de la poussière. La lune sortait de derrière la colline. Elle s'élargissait lentement, découpée en bas comme une scie à cause des sapins. Puis elle se poussait toute ronde et cahotante sur les pentes du ciel. Et on voyait autour une lueur trouble comme une couronne poudreuse. Sa lumière, en tombant, détachait des branches une ombre froide, et le ciel paraissait tout à coup vide de ses étoiles. « Tiens, disait Julien, voilà la lune qui se lève. » Aline répondait, « On dirait que c'est le bois qui brûle. Comme elle est rouge. Et puis, à présent, elle est toute blanche. » elle est grande comme un gâteau. » Leur voix se tenait un moment au-dessus d'eux, avec incertitude, puis, bientôt, rabattue par la lune, elle s'égarait dans les buissons. Aline reprenait, « Elle a deux yeux, un nez et une bouche, comme une personne. » « Oh !» disait Julien, « elle est comme une tête de mort. »« Ne parle pas de ça, » disait Aline, « ça porte malheur. » Les bêtes de la nuit bougeaient dans les haies, la chouette criait dans les bois. Ils s'aimaient. C'était alors comme s'ils tombaient dans un grand trou. Ils restaient longtemps, au fond, étourdis. Mais, peu à peu, la terre, le ciel, la nuit ressortaient autour d'eux. Ils sentaient une fatigue douce dans les membres. Le plus souvent, ils parlaient peu. Ils ne savaient pas que se dire. Aline disait, « Je t'aime tellement, tellement !» Il répondait, « Moi aussi. » Et c'était tout. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose que de se voir et de se toucher. Aline mettait sa main dans celle de Julien et se blottissait contre son épaule. Le drap rugueux grattait contre sa joue. Elle disait, « Ça me pique, c'est comme du poil. » C'est que c'est de la bonne étoffe. Mais parfois aussi, il parlait du passé. Elle regrettait le temps perdu sans Julien. Quand on aime, le temps où on ne s'est pas aimé est comme une belle robe qu'on n'a pas mise. « Sais-tu, disait-elle, j'étais toute petite, j'avais une poupée. Un jour, elle est tombée dans le ruisseau. On l'a repêchée avec une grande perche. Seulement le son avait fondu. J'ai bien pleuré. À présent, ça m'amuse, mais j'ai eu beaucoup de chagrin. » Et il disait, « C'est comme moi. Une fois que je m'étais fourré dans les pois. C'est pas bien grand, un carreau de pois, pourtant. C'est haut. Quand on y est, on ne voit plus rien. Ça a des branches qui cachent tout, qui vous prennent comme des bras. J'étais gourmand. Les pois, c'est bon. Et puis, on m'a cherché. Moi, je ne répondais rien parce que j'avais peur d'être attrapé. Ah, là, là, tu vois, trois quarts d'heure. Et puis, mes amis, quel fouetté. » Il riait. Une fois, elle se mit à pleurer. Il ne comprenait pas ce qu'elle avait. Il dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Je ne sais pas. »« Est-ce que je t'ai fait du chagrin ? » ?»« Oh non ! » !»« Alors quoi ? » ?»« C'est parce que je t'aime. » Mais l'idée de Julien était qu'on n'avait pas besoin de pleurer parce qu'on s'aime. On n'a qu'à se prendre et à s'embrasser. C'est que les femmes n'ont pas la tête bien solide. Elles pleurent pour le bonheur. Elle pleure pour le malheur. Il voyait qu'Aline n'était pas faite comme lui, et il eut un peu pitié d'elle. Il pensait aux filles qu'il avait rencontrées. On part en bande le dimanche, on va dans les villages voisins, et là on fait des connaissances. Il y avait une grande fille rouge qui s'appelait Jeanne, et qui riait en secouant la tête. Elle n'avait pas pleuré, celle-là. Et une autre petite et maigre, qui avait toujours des pommes dans sa poche, et qui les sortait en disant « En veux-tu une ?» Et elle mordait dedans en ouvrant la bouche toute grande, et on entendait la pomme craquer. Julien pensait. Et puis quand même, elles se ressemblent toutes. Elles ont les cheveux comme ci, comme ça. Elles sont grandes ou bien petites. Elles rient ou bien elles pleurent. Ça n'y fait rien. Elles y viennent toutes. Elles ne peuvent pas se passer de nous. Mais Aline dit tout à coup, « À quoi penses-tu ? Tu ne dis plus rien. » Il se rappela qu'elle était là. « À quoi je pense ? À toi, bien sûr. » Alors il lui serra le bras pour la faire crier. « Oh ! » disait-elle en riant. « Lâche-moi, tu me fais mal !» Mais il serrait plus fort. « C'est pour qu'on sache pourquoi tu pleures. »« Tu me fais bien mal, » reprit-elle. « Tu sais ?» Et lui disait. « C'est que je ne sers presque pas. C'est à peine si je te touche. Ah, si je voulais, tu verrais. » Ensuite, comme il se levait pour rentrer, il la prit des deux mains par la taille et la souleva pour lui faire voir qu'il était fort. Il disait, « Veux-tu que je te porte ? Tu ne pourrais pas bien longtemps. Moi, attends que j'essaie. » Et il l'emporta dans ses bras le long de la haie, comme un petit enfant. « Tu n'es pas bien lourde, » disait-il. « Ah non, j'en porterai d'autres. » Et comme elle marchait de nouveau près de lui, « Tu n'es pas bien grande non plus. » Et il pensait, « Elle se laisse bien faire, elle est bien commode. Seulement, » ajoutait-il, dans sa tête, « c'est toujours la même chose. » Puis la semaine s'écoula. Le dimanche soir, on dansa au village. on avait construit un pont de danse sous les ormes, derrière l'auberge. Vers les 5 heures, la musique arriva, et ils étaient 6, 3 pistons, une clarinette, un bugle et un trombone. Alors, ayant bu un verre pour se donner du souffle, ils s'assirent sur l'estrade enguirlandée et la danse commença. Les gros souliers battaient les planches en mesure, et les musiciens, gonflant leurs joues, jouaient sans faire attention, tant ils avaient l'habitude. On n'entendait de loin que le trombone qui poussait ses grosses notes espacées, comme un ronflement. De plus près, les pistons aigus mêlés au bruit des pas qui marquaient la cadence faisaient un grand tapage. Après chaque danse, les musiciens remplissaient leurs verres qu'ils vidaient d'un seul coup, la foule envahissait l'auberge, et les filles, avec leurs ceintures de toutes les couleurs, se promenaient dans le village. Des drapeaux rouges à croix blanches et d'autres verts et blancs flottaient aux fenêtres de la salle à boire. Il y avait aussi des lanternes de papier pendues sur le perron. Tout autour du rond de danse, des branches de sapin qui sentaient la poix cachaient la charpente. Les enfants tiraient des pétards, des charrettes aux brancards relevés attendaient devant les maisons. Et le crépuscule était rose. Enfin, la nuit tomba. Aline et Julien écoutaient la musique. Elle leur arrivait nette ou presque indistincte, selon que la brise hésitante la poussait jusqu'à eux ou la laissait retomber. Elle sortait de l'ombre et elle était triste. Julien disait « Voilà qu'il danse une polka. À présent, c'est une valse, quand même, si on avait pu y aller. » Mais on ne pouvait pas. Naturellement. Et il reprit. « C'est que c'est bien joli, au moins. C'est une bien bonne musique. Des gens qui jouent toujours ensemble et qui les savent toutes par cœur. On commence tard, on n'a pas trop chaud. L'aubergiste a du fameux vin. Enfin, voilà. » Ils se turent. À la fin d'un air, la musique cessait. Elle reprenait presque aussitôt. Et pendant les silences, on entendait les éclats de voix et de gros rires. « Il ne s'ennuie pas, » dit Julien. « On est encore mieux ici. Seulement, il ne faudrait pas qu'on nous voie. » « Écoute, » dit Aline, « si on dansait aussi, on entend assez la musique. »« Oh, allons-y si tu veux. » Elle dit, « Je n'osais pas te demander. »« Pourquoi pas ?»« Comme ça. » »« Comme ça, » dit-il, « on sera aussi de la danse. » Ils dansèrent sous le grand poirier. Leurs haleines confondues leur échauffaient le visage. Aline fermait les yeux, la tête appuyée sur l'épaule de Julien, et leurs jambes se mêlaient. Parfois la musique faiblissait et ils piétinaient sur place. Quand elle recommençait, ils tournaient plus rapidement pour rattraper la mesure. Et toute la nuit tournait autour d'eux, avec le poirier, les collines, le bois, et même le ciel et les étoiles, comme une grande danse du monde. Ils tournèrent ainsi longtemps, mais Julien glissa sur l'herbe. Il se dit tout à coup que les autres dansaient sur un plancher, avec de la lumière et de quoi boire, et eux dans un pré mouillé, sous un arbre, comme des fous. Une espèce de colère lui entra dans le cœur. Il s'arrêta et il dit « J'en ai assez !»« Déjà ?»« Eh bien, » dit-il, « il y a un quart d'heure qu'on tourne. » Ils se regardèrent, ils se voyaient à peine. Des noyers noirs et compacts comme des blocs de rochers fermaient la prairie. Aline dit « Tu es fâché. »« Oh, » dit-il, « c'est la fatigue. » Elle soupira. L'orchestre commençait la dernière valse. Le vrai amour ne dure pas longtemps.